Du sang en guise de larmes, ouais, écoute, yeah. Du sang en guise de larmes, parce qu'en vrai nos cœurs saignent. De l'encre remplit une page que seul ma rage signe. J'ai vu des gosses arrachés à leurs racines, leur innocence qu'on assassine pour que des hommes puissent s'enrichir. Voilà à quoi j'assiste, tu posais dans mon salon, m'apitoyer sur mon sort, oui, ça serait salaud. Quand je pense à l'autre bout du monde, j'en vis ma vie, évidemment. J'ai envie de quitter ma ville et vite éviter mes démons. Mais vite sans son ses paroles, quand je vois le destin de ses parents se séparant d'un seul enfant, victime d'une guerre avilissante. À venir blessé ou abattu par des missiles, quand courir après. Et les balles n'est pas le sport de Messi. L'espoir démissionne, on apprend à vivre sans. Quand la rose est matinale, les couleurs rouges chantent. Oui, chez. Rétexte changera pas les choses, juste une pensée à toutes ces âmes quand elles reposent. Sans guise de larmes, car la vie est un coup d'âme. La main sur le cœur, libérer mon âme. L'ami, l'amour peut nous désarmer. Laisse-toi charmer, oublie tes drames et tes peines. Pose tes armes et va de l'avant désormais. Sans guise de larmes, car la vie est un coup d'âme. La main sur le cœur, libérer mon âme. L'ami, l'amour peut nous désarmer. Laisse-toi charmer. Oublie tes drames et tes peines, pose tes armes et va de l'avant désormais. Réfléchir par soi-même, voilà le dilemme que rencontre l'homme. Je vois que la vie, personne ne l'aime, à chaque seconde on la décomme. Comme si c'était écrit, personne ne se pose de questions. On se dit que c'est la vie, si un souci, mais pas plus de réflexion. Tout se battait dans un coin autour de nous, tout est fiction. Manipulé comme un pantin, ils ont créé les addictions. Materné par le matériel, ça rêve d'iPhone, plus d'auréole. Ça fait sa vie en virtuel, ça monte des founes pour L'Oréal. J'ai beau faire l'arbre droit, j'ai toujours le cerveau dans mes bunkers. Je comprends pas qu'autour de moi, sa vie. Personne ne l'attend alors, à cœur ouvert ou du moins ce qu'il en reste. J'essaye d'écrire quelques vers pour ne pas que mon esprit pète. J'aimerais que tout le monde soit solidaire alors qu'en vrai tout le monde s'en tape. Si sous l'hiver t'es solitaire, je te l'ai déjà dit, tout le monde s'en tape. J'ai du sang en guise de larmes, je crois. C'est pour ça que je vois rouge. Dis-moi comment sonner l'alarme et faire en sorte que tout le monde bouge. Du sang en guise de larmes, car la vie est un coup d'âme. La main sur le cœur, libérer mon âme. L'ami, l'amour peut nous désarmer. Laisse-toi charmer, oublie tes drames et tes peines. Pose tes armes et va de l'avant désormais. Du sang en guise de larmes, car la vie est un coup d'âme. La main sur le cœur, libérer mon âme. L'ami, l'amour peut nous désarmer. Laisse-toi charmer, oublie tes drames et tes peines. Pose tes armes et va de l'avant désormais. Rapper ça salement, faire passer le message en cette période d'égarement où l'espace-temps n'est plus un lieu d'apprentissage. Du sang en guise de larmes, parce que les nôtres ont trop coulé. On ressent le poids des fautes et on recommence en voir le temps s'écouler. Horrifié par ce qu'on voit, faudrait peut-être qu'on parte. Ouais, on va finir par se haïr à force de trop se parler. En ceux qui ne veulent plus le faire et ceux qui ne le peuvent pas relayer les cris des sœurs et frères qui sont étouffés au plus bas. Je raconte pas de craque, je me sers des faits à l'évidence. Je fais du rap parce que gueuler dans le mic est devenu délivrance. L'empathie me braque le stylo sur la tempe. Je regarde l'humain et c'est latence. Et je me dis que l'heure est grave. Et ouais, atroce et la tendance. M'arrache parlant votre nom à tenter de la décrire. J'ai failli me noyer dans mon encre. Dissident souillé, je contemple le monde, l'estomac noué, le cœur troué. Comprendre sur mes joues, il n'y a que le sang qui puisse couler. Sans guise de larmes, car la vie est un coup d'âme. La main sur le cœur, libérer mon âme. L'ami, l'amour peut nous désarmer. Laisse-toi charmer, oublie tes drames et tes peines. Pose tes armes et va de l'avant désormais. Sans guise de larmes, car la vie est un coup d'âme. La main sur le cœur, libérer mon âme. L'ami, l'amour peut nous désarmer. Laisse-toi charmer, oublie tes drames et tes peines. Pose tes armes et va de l'avant désormais. Mm-hmm.